Il y a très longtemps, à l'embouchure de l'humain, du côté de mon vrai amour, nos ancêtres avaient construit une ville qui s'enrichissait chaque jour, grâce à son agriculture et son élevage, et à la pêche abondante de boisson. Un jour, ils arrivèrent dans l'ancien et prospère village, trois belles dames transparentes aux cheveux blonds, qui se coiffaient avec trois peignes dorées et magiques. C'était des êtres surnaturels qui faisaient rire les jeunes hommes les plus intelligents de la ville. Les trois dames transparentes ne montraient leur beauté qu'après les couchers du soleil et les sons affluaient, nuit après nuit, dans leur palais. Les luttes étaient constantes entre eux et la prospérité du village était déjà en danger. Les membres du conseil des anciens étaient sérieusement inquiets. Alors, ils parlèrent au druide qui leur dit que ces demoiselles étaient des fées enchantées qui ne feraient qu'apporter la destruction de la ville. Il ordonna au peuple de se rassembler sur le fort et d'y rester 3 jours. Puis, il grimpa au sommet du mont Bréhamon et jeta un sort. Un peu plus tard, il s'est également réfugié dans un fort et immédiatement, il a commencé à pleuvoir. Et ces pluies ne s'est arrêtées que 3 jours plus tard. La ville a été inondée et les gens qui n'ont pas tenu compte de l'avertissement se sont noyés. Seuls ceux qui se sont cachés dans les forts avec leur famille ont sauvé la vie. En fait, il n'y a rien de certain sur ces trois femmes transparentes, même si certains disent qu'elles sont devenues des sirènes et n'ont pas quitté notre village. L'une d'entre elles vit au fond de la mer, près de Makuka, une autre dans les Mourons, et la troisième dans la zone des Miranda, dont nous parlerons plus tard.